Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Préparé mentalement? Oui, mais je me suis préparé à beaucoup rire. Oui, parce que ça, c'est la crème de la crème. Si c'est pas drôle, il y a quelque chose qui marche pas, là. Hein? Quelque chose qui marche pas. C'est un instant classique, édition l'année au grand complet. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour l'année 2011. Le bon album. L'album Homeless, c'est celui-là? C'est ça. Merci. J'avais une perte idéologique au niveau de... T'as d'avoir des pertes assez fréquemment. Ouais, ça m'arrive souvent. Si tu le demandes, François, si gentiment, toi, avec ta petite face angélique, là... Mathieu... Fais tes petits yeux doux. S'il te plaît. Ah, OK. Michel Levin qui sortait un album aujourd'hui. T'es-tu sérieux? Ouais. Pour vrai? Ah ouais. Pour vrai? Ouais. Sans blague? Ouais. Ah ouais? Pour vrai? Vraiment. Dit. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Des fois, je pense faire des erreurs et ça ne sont, ça ne sont, ça ne sont, ça ne sont, ça ne sont, ça ne sont, ça ne sont, Si, peut-être. J'aime ça quand tu me donnes une silence comme laisse, ça. Ouais, je te laisse languir un peu. C'est beau. Je te trouve bon. Je te reviendrai le compliment si je le pense. Voici la collection. Perforation. Ils vont trouver des feuilles. Hey, on dirait que je sais pas comment. Performance. C'est ça. C'est rasé. Non. Ah. Ouais. Je le fais pas assez souvent. Hein. Une fois par semaine, moi, c'est le dimanche. Ah ouais, c'est le jour du Seigneur. T'en profites. Tu soulignes ça à ta façon. C'est mon jour anti-Seigneur. Le Seigneur porte une barbe. Je me rase le dimanche. Ça a bien le sens. Ah non, je parlais pas la face. Même pour ceux qui connaissent pas ça, le thé comme moi, un peu, je suis un peu un abruti du thé. Un abruté, exactement. Si donc moi, je t'aime. OK, ben moi aussi, apparemment. Et autre compliment. Wouh! À déterminer de plan. Avec Mathieu Plante. Et François Hugues Marchand. J'adore ton petit bouffon. Merci beaucoup. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé nous explique la stéréophonie. Oh oui! Assemblage requis avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Oh oui, c'est bien moi ça. Deux animateurs qui fessent. Avec de la musique qui fesse le matin. Non? Il n'y a rien de mieux que les fesses. Oh ouais, ouais, écoute, je m'attendais pas à entendre le mot fesse deux fois d'affilée. Avec, ben, une pour chaque. Ouais, faut pas faire de jaloux. Hein. La gauche va être jalouse, la droite. Oh boy. On retourne en musique. Oui. T'avais quelque chose d'autre à dire, j'imagine, toi? Non. T'avais l'air à ça, en tout cas. Non. Vas-y. T'avais l'air à ça. Non. T'avais l'air de quoi? Non. Mathieu, voyons donc. Hey, laisse faire. Arrête. On va entendre. Lâche-moi le nez. Le nez? J'ai pas le bras si long que ça, non plus. Ah, non. Plein de contenu. Oui. C'est quoi, un cheval, ça? Oui. Simon Fitzbé est de retour de son rhume. Comme tout le monde, hein? Je pense qu'il me l'a donné. Oui? Ouais, je pense qu'il me l'a donné. Hier, je l'ai frenché, j'aurais peut-être pas dû. OK, ben, ça t'apprendra. Hein? Ah. Le Gaslight Anthem. Ça, c'est fou. 89-1. FM. Fait que tu fasses des E à la fin. OK. Non, ça va aller, François. Je suis bien convaincu. Tu me limites toujours. Tu me mets les menottes. Puis j'ai jamais le droit de rien dire. Je fais un exercice de bouche. Bonjour. À 13h, restez à l'écoute pour 6 degrés avec Kim Bergeron. Puis je serai de retour encore parce que c'est jamais assez. Hein? Je n'ai jamais assez. Mathieu Plante. Jamais assez de Mathieu Plante. Hey, j'aime ça. Ouais. Hey, chanson thème. Simon est bon chanteur. Hein? Non, moi non plus. Pointe-moi pas, toi. Je n'ai jamais essayé de Mathieu Plante. Mathieu Plante. Toujours à cette émission qu'on appelle Assemblage requis parce que c'est son nom. Tout à fait. Tu sais? Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ben, c'est ça. C'est comme ça. Je t'enlève d'autres choses de la bouche? Non. J'aime bien ça. Ben oui, je savais que t'aimerais ça. C'est pour ça que je t'en ai fait jouer. Ouais. Je suis fin, hein? Ben oui. Tu me le dis jamais. Jamais que je suis fin. Je ne dis plus jamais de compliments. C'est fatiguant, les filles. Les pariétaires, c'est ceux qui font la chanson. Trop! Ben oui. Ouais. Wow. Tu connaissais pas, hein? Hey, c'est un remix. Ta voix me fait capoter. Merci. Avec ton petit trémolement. Trémolo, je pense. Trémolo. La la la la la. La la la. Oh, ah. Que de chambé. Chant de mars, là, comme un chant de maïs. C'est ça, pas un chant comme la la la la la la. Comme on disait tantôt, Nicolas Ducharme n'est pas avec nous aujourd'hui pour sa chronique sport. Donc, il y a eu des matchs, il y a eu des gens qui ont joué à des sports. Des gens. Qui ont joué à des sports. Ouais, c'est mon résumé sportif. Et là, puis il rit de mon talent d'acteur. Moi, il me traite de Gilles Latulippe. C'est chien, ça. C'est chien. C'est du burlesque. Bon. Du burlesque, les pubs. C'est normal que je sois pas bon. C'est mieux. Du gigantisme. Ouais. D'autres parties du corps, en tout cas, bref. Donc, ah, c'est la fin de la première heure. Ouais, il faut en parler. Ouais, vous savez ce qu'on dit sur Mathieu Plante? On dit plein de choses. Grand comme un cheval. Qu'est-ce qu'on dit sur Mathieu? Comme un cheval. Grand pied comme un cheval. Grand pied. Non, pas tes pieds. Non, mais vous savez ce qu'il dit sur les hommes à grand pied. Ah! Non. Je vais grand pied prendre une gorgée de café. Sur les grands toujours des filles au palmarès. Hein? Moi, là, tu m'as jamais invité Tu connais Mathieu filles. Plante. Ouais, c'est ça. Tu connais Mathieu Plante, alias La Verge. On laisse faire. Quoi? On laisse faire le professionnalisme et on voit des filles. Outrage! Hey, fais pas semblant, tu le savais pas. On appelle le trépied. Hey, François-Olivier Marchand et Mathieu. Et Mathieu Plante. Hein? On l'aime, Mathieu Plante. Comment ça, non? Je sais pas. Je cherche encore des raisons moi-même. Start-moi ça, mon Matt. Bon, start aux pommes. Start-moi ça aux pommes, s'il te plaît. Monsieur Nicolas Ducharme qui va nous parler d'une partie de hockey, je pense, qui se déroule ce soir, des Patriots. Oui, apparemment qu'il y a des bâtons et des rondelles et tout, et tout, et tout. Parfait. Et des joueurs. Ben, là-dedans, deux équipes. On y demandera. Je pensais que t'avais lavé tes draps. Non. Non, ça viendra. Ça viendra. Oh! Hey, on pensait pas avoir des jeux de mots poche demain matin. Et lui, c'est Mathieu Plante. Hey, les accents toniques étaient là. Vous, Marchand. Plante. Versus. Finisher. Solo de Mathieu Plante ce matin. Et de chat. Et de chat. Des panneaux qui traitent de la flaune et de la flore. De la flaune et flown de la flore. Flaune and the floor. Flaune and the floor. Flaune and the floor. On dirait le prochain hit de genre Jay-Z. Flaune and the floor. Flaune and the floor. Flaune and the floor. Philippe Poisson. Félicitations, blou blou. Blou blou blou. Blou blou blou blou. Dans sa langue maternelle. Il est 8h05 minutes. Tout à fait. Et vous êtes bien heureux d'être là. J'en suis sûr. Posé, ben, c'est sinon, il y a un problème avec vous autres, là. Hein? Vous autres, on fait notre job. Hein? Wow, hein? C'était essoufflant, tout ça, je trouve. Ça en faisait beaucoup. Oui, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour l'année 2011. Wow, hein? Il y en avait des bons là-dedans, il y en avait des moyens. En tout cas, ça confirme que vous êtes pas nécessairement fait pour être des chanteurs. Non, hein? Il y avait beaucoup de moments chantés. Oui. La la la la la la la la la la la la. La la la la la. Je te sens la note là. La la la la la. Hein? Ça vient encore plus confirmer ce que je venais de dire. Ouais, on est des artistes, hein. Faut pas demander trop. Faut pas juger l'art. Non. Non, c'est ça, on l'a appris, c'était Steven Harper, tu sais. Mais du moins, vous allez avoir un bon deux semaines et demie pour pratiquer ça pendant le temps des fêtes. Faire mes gammes. Oui, mais pas seulement faire les gammes. Vous savez, aux messes de minuit, il y a encore des petits chanteurs souvent. Hein. Oui. Vous pourriez embarquer. C'est un peu à la dernière minute, mais. Oui, ils engagent. Ça pourrait vous apprendre beaucoup. On pourrait les payer, les sous-loyers, sous-traités. Non, non. Trop jeune. Faites ça vous-même. D'accord. C'est noté. Hey, c'est votre vieux chummy Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Passez nous voir, on a pour tous les goûts ici dedans. Il y a du francophone puis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. Hey, je te niaise pas, je suis en train de virer fou. Encore plus fou, là. Les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h ou lundi, à 13h. Puis retrouvez donc les notes de l'émission puis les balados. C'est ça, balado-diffusion sur assemblagerequis.com. C'est pas sur Internet, cette affaire-là, encore les niaiseries, hein? Ça, t'es en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy!